Le bon berger. Jésus marche au milieu des champs d'oliviers, accompagné de ses apôtres. Une foule nombreuse et animée le suit dans un joyeux tumulte. Des enfants chahuteurs et leurs mamans, quelques paysans revenant des champs, mais aussi des mendiants, des boiteux, des petits vendeurs, peut-être bien quelques voleurs. On y voit même des publicains, ceux qui collectent les impôts pour les Romains. Jésus s'assoit sur un rocher. Chacun s'installe pour l'écouter. Le soir tombe et une douce brise rafraîchit l'air. Posant son regard sur la foule, Jésus observe un à un tous ces visages devant lui. Il ressent un grand amour pour chacun. Un peu en arrière, des scribes et des pharisiens, qui connaissent parfaitement la loi, sont restés debout, les bras croisés. L'un d'eux dit d'un air dégoûté : « Regardez avec qui Jésus se promène, des publicains et des pécheurs. C'est une honte !» renchérit son voisin. Jésus a remarqué ces hommes qui se croient meilleurs que les autres. Pour leur faire comprendre de quel amour Dieu, son Père, aime tous les hommes, Jésus raconte cette parabole. Un berger possède 100 brebis. Il connaît chacune par son nom. Chaque jour, il les conduit dans la montagne à la recherche de bons pâturages. Mais un soir, il s'aperçoit qu'il en manque une. Sans hésiter, le berger laisse là les 99 autres et s'élance à sa recherche. Toute la nuit, il parcourt la montagne. Enfin, il la retrouve. Tout joyeux, le berger la met sur ses épaules et la ramène à la bergerie. Il réveille tous ses amis en criant : « Réjouissez-vous avec moi ! J'ai retrouvé la brebis que j'avais perdue !» Comme pour cette brebis retrouvée, ajoute Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Parle-nous encore, Jésus ! Demande quelques voix de ci, de là. Personne ne veut s'en aller. Alors, sans se lasser, Jésus raconte encore une histoire. Un père avait deux fils